J'attendais le moment où il achèverait sa tâche par ma mort. J'étais dans une position singulière avec cet homme. Il avait déjà failli me tuer pour prouver qu'il était blanc. Il allait maintenant m'assassiner pour démontrer qu'il était mulâtre. « Allons, lui dit Biassou, c'est bien, je suis content de toi, l'ami. » Il jeta un coup d'œil sur moi et ajouta « Je te fais grâce de l'autre. Va-t'en. Nous te déclarons bon frère et nous te nommons bourreau de notre armée. » À ces paroles du chef, un nègre sortit des rangs, s'inclina trois fois devant Biassou et s'écria en son jargon, que je traduirai en français pour vous en faciliter l'intelligence. « Et moi, général ?»« Eh bien, toi, que veux-tu dire ?» demanda Biassou. « Est-ce que vous ne ferez rien pour moi, mon général ?» dit le nègre. « Voilà que vous donnez de l'avancement à ce chien de blanc qui assassine pour se faire reconnaître des nôtres. Est-ce que vous ne m'en donnerez pas aussi à moi, qui suis un bon noir ?» Cette requête inattendue parut embarrasser Biassou. Il se pencha vers Rigaud, et le chef du rassemblement des cailles lui dit en français « On ne peut le satisfaire, tâchez d'éluder sa demande. » « Te donner de l'avancement, dit alors Biassou au bon noir. « Je ne demande pas mieux. Quel grade désires-tu ? » « Je voudrais être official. » « Officier. »« Officier, reprit le généralissime. « Eh bien, quels sont tes titres pour obtenir l'épaulette ? » « C'est moi, répondit le noir avec emphase, qui ai mis le feu à l'habitation Lagossette dès les premiers jours d'août. C'est moi qui ai massacré M. Clément, le planteur, et porté la tête de son raffineur au bout d'une pique. J'ai égorgé 10 femmes blanches et 7 petits-enfants. L'un d'entre eux a même servi d'enseigne au brave noir de Boukman. Plus tard, j'ai brûlé 4 familles de colons dans une chambre du fort Galifet, que j'avais fermé à double tour avant de l'incendier. Mon père a été roué au cap, mon frère a été pendu au rocrou, et j'ai failli moi-même être fusillé. J'ai brûlé 3 plantations de café, 6 plantations d'indigo, 200 carreaux de canne à sucre. J'ai tué mon maître, M. Noé, et sa mère. « Épargne-nous tes états de service, » dit Rigaud, dont la feinte mansuétude cachait une cruauté réelle, mais qui était féroce avec décence et ne pouvait souffrir le cynisme du brigandage. « Je pourrais en citer encore bien d'autres, » repartit le nègre avec orgueil. « Mais vous trouvez sans doute que cela suffit pour mériter le grade d'official et pour porter une épaulette d'or sur ma veste, comme nos camarades que voilà. » Il montrait les aides de camp et l'état-major de Biassou. Le généralissime parut réfléchir un moment, puis il adressa gravement ces paroles au nègre. « Je serais charmé de t'accorder un grade. Je suis satisfait de tes services. Mais il faut encore autre chose. Sais-tu le latin ?» Le brigand ébahi ouvrit de grands yeux et dit « Plaît-il, mon général ?»« Eh bien oui, » reprit vivement Biassou. « Sais-tu le latin ?»« Le latin ?» répéta le noir stupéfait. « Oui, oui, oui, le latin. Sais-tu le latin ?» poursuivit le rusé chef. Et, déployant un étendard sur lequel était écrit le verset du psaume « In exitu Israël de Egypto », il ajouta « Explique-nous ce que veulent dire ces mots. » Le noir, au comble de la surprise, restait immobile et muet, et froissait machinalement le pagne de son caleçon, tandis que ses yeux effarés allait du général au drapeau et du drapeau au général. « Allons, répondras-tu ? » dit Biassou avec impatience. Le noir, après s'être gratté la tête, ouvrit et ferma plusieurs fois la bouche et laissa enfin tomber ces mots embarrassés. « Je ne sais pas ce que veut dire le général. » Le visage de Biassou prit une subite expression de colère et d'indignation. « Comment ? Misérable drôle ! » s'écria-t-il. « Comment ? Tu veux être officier et tu ne sais pas le latin ?»« Mais notre général !» balbutia le nègre, confus et tremblant. « Tais-toi !» reprit Biassou, dont l'emportement semblait croître. « Je ne sais à quoi tient que je ne te fasse fusiller sur l'heure pour ta présomption. Comprenez-vous, Rigaud, ce plaisant officier qui ne sait seulement pas le latin ? Eh bien, drôle, puisque tu ne comprends point ce qui est écrit sur ce drapeau, je vais te l'expliquer. In exitu, tout soldat. Israël, qui ne sait pas le latin. De Egypto, ne peut être nommé officier. N'est-ce point cela, monsieur le chapelain ? Le petit Obi fit un signe affirmatif. Biassou continua. Ce frère que je viens de nommer bourreau de l'armée et dont tu es jaloux, c'est le latin. Il se tourna vers le nouveau bourreau. N'est-il pas vrai, l'ami ? Prouvez à ce butor que vous en savez plus que lui. Que signifie « Dominus vobiscum » ? Le malheureux colon s'en mêlé, arraché de sa sombre rêverie par cette voix redoutable, leva la tête. Et quoique ses esprits fussent encore tout égarés par le lâche assassinat qu'il venait de commettre, la terreur le décida à l'obéissance. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, dont cet homme cherchait à retrouver un souvenir de collège parmi ses pensées d'épouvante et de remords, et dans la manière lugubre dont il prononça l'explication enfantine. « Dominus vobiscum, cela veut dire que le Seigneur soit avec vous. « Et cum spiritu tuo, » ajouta solennellement le mystérieux Obi. « Amen, » dit Biassou. Puis, reprenant son accent irrité et mêlant à son courroux simulé quelques phrases de mauvais latin à la façon de Sganarelle, pour convaincre les Noirs de la science de leur chef, « Rentre le dernier dans ton rang, » cria-t-il au nègre ambitieux. « Sursum corda, ne t'avise plus à l'avenir de prétendre monter au rang de tes chefs qui savent le latin, orate fratres, ou je te fais pendre, bonus bona bonum. » Le nègre, émerveillé et terrifié tout ensemble, retourna à son rang en baissant honteusement la tête au milieu des huées générales de tous ses camarades, qui s'indignaient de ses prétentions si mal fondées et fixaient des yeux d'admiration sur leur docte généralissime. Il y avait un côté burlesque dans cette scène, qui acheva cependant de m'inspirer une haute idée de l'habileté de Biassou. Le moyen ridicule qu'il venait d'employer avec tant de succès, Toussaint Louverture s'est servi plus tard du même expédient avec le même avantage. Pour déconcerter les ambitions toujours si exigeantes dans une bande de rebelles, me donnait à la fois la mesure de la stupidité des nègres et de l'adresse de leur chef. Chapitre 36. Cependant, l'heure de l'almuerzo, déjeuner, de Biassou était venue. On apporta devant le mariscal des Campo de Su Majestad Catholica une grande écaille de tortue dans laquelle fumait une espèce d'ola potrida abondamment assaisonnée de tranches de lard où la chair de tortue remplaçait le carnera, l'agneau, et la patate, les garganza, les pois chiches. Un énorme chou caraïbe flottait à la surface de ce puchero. Des deux côtés de l'écaille, qui servait à la fois de marmite et de soupière, étaient deux coupes d'écorce de coco pleines de raisins secs, de sandia, melon d'eau, d'ignames et de figues. C'était le postre, dessert. Un pain de maïs et une outre de vin goudronné complétaient l'appareil du festin. Biassou tira de sa poche quelques gousses d'ail et en frotta lui-même le pain. Puis, sans même faire enlever le cadavre palpitant couché devant ses yeux, il se mit à manger et invita Rigaud à en faire autant. L'appétit de Biassou avait quelque chose d'effrayant. L'Obi ne partagea point leur repas. Je compris que, comme tous ses pareils, il ne mangeait jamais en public, afin de faire croire aux nègres qu'il était d'une essence surnaturelle et qu'il vivait sans nourriture. Tout en déjeunant, Biassou ordonna à un aide de camp de faire commencer la revue, et les bandes se mirent à défiler en bon ordre devant la grotte. Les Noirs du Morne Rouge passèrent les premiers. Ils étaient environ 4000, divisés en petits pelotons serrés que conduisaient des chefs ornés, comme je l'ai déjà dit, de caleçons ou de ceintures écarlates. Ces noirs, presque tous grands et forts, portaient des fusils, des haches et des sabres. Un grand nombre d'entre eux avaient des arcs, des flèches et des aguets qu'ils s'étaient forgés à défaut d'autres armes. Ils n'avaient point de drapeau et marchaient en silence d'un air consterné. En voyant défiler cette horde, Biassou se pencha à l'oreille de Rigaud et lui dit en français « Quand donc la mitraille de Blanche-Lande et de Rouvray me débarrassera-t-elle de ces bandits du Morne-Rouge ? Je les hais, ce sont presque tous des Congos. Et puis, ils ne savent tuer que dans le combat. Ils suivaient l'exemple de leur chef imbécile, de leur idole Bug Jargal, jeune fou qui voulait faire le généreux et le magnanime. Vous ne le connaissez pas, Rigaud ? Vous ne le connaîtrez jamais, je l'espère. Les Blancs l'ont fait prisonnier, et ils me délivreront de lui comme ils m'ont délivré de Boukman. » À propos de Boukman, répondit Rigaud, voici les noirs marrons de Makaya qui passent, et je vois dans leur rang le nègre que Jean-François vous a envoyé pour vous annoncer la mort de Boukman. Savez-vous bien que cet homme pourrait détruire tout l'effet des prophéties de Lobby sur la fin de ce chef, s'il disait qu'on l'a arrêté pendant une demi-heure aux avant-postes et qu'il m'avait confié sa nouvelle avant l'instant où vous l'avez fait appeler. « Diabolo ! » dit Biassou. « Vous avez raison, mon cher. Il faut fermer la bouche à cet homme-là. Attendez. » Alors, élevant la voix, « Makaya ! » cria-t-il. Le chef des nègres marrons s'approcha et présenta son tromblon au col évasé en signe de respect. « Faites sortir de vos rangs, » reprit Biassou, « ce noir que j'y vois là-bas et qui ne doit pas en faire partie. » C'était le messager de Jean-François. Makaya l'amena au généralissime, dont le visage prit subitement cette expression de colère qu'il savait si bien simuler. « Qui es-tu ? » demanda-t-il au nègre interdit. « Notre général, je suis un noir. » « Caramba, je le vois bien, mais comment t'appelles-tu ? » « Mon nom de guerre est Vavelan. Mon patron chez les Bienheureux est Saint Saba, diacre et martyr, dont la fête viendra le 20e jour avant la nativité de notre Seigneur. » Biassou l'interrompit. « De quel front oses-tu te présenter à la parade, au milieu des espingoles luisantes et des baudriers blancs, avec ton sabre sans fourreau, ton caleçon déchiré, tes pieds couverts de boue ?»« Notre général, répondit le noir, ce n'est pas ma faute. J'ai été chargé par le grand amiral Jean-François de vous porter la nouvelle de la mort du chef des marrons anglais, Boukman. Et si mes vêtements sont déchirés, et si mes pieds sont sales, c'est que j'ai couru à perdre haleine pour vous la porter plus tôt. Mais on m'a retenu au camp et... » Biassou fronça le sourcil. « Il ne s'agit point de cela, Gavacho, mais de ton audace d'assister à la revue dans ce désordre. Recommande ton arme à Saint Saba, diacre et martyr, ton patron. Va te faire fusiller. » Ici, j'eus encore une nouvelle preuve du pouvoir moral de Biassou sur les rebelles. L'infortuné, chargé d'aller lui-même se faire exécuter, ne se permit pas un murmure. Il baissa la tête, croisa les bras sur sa poitrine, salua trois fois son juge impitoyable, et, après s'être agenouillé devant Lobby, qui lui donna gravement une absolution sommaire, il sortit de la grotte. Quelques minutes après, une détonation de mousqueterie annonça à Biassou que le nègre avait obéi et vécu. Le chef, débarrassé de toute inquiétude, se tourna alors vers Rigaud, l'œil étincelant de plaisir et avec un ricanement de triomphe qui semblait dire « Admirez !» Toussaint Louverture, qui s'était formé à l'école de Biassou et qui, s'il ne lui était pas supérieur en habileté, était du moins fort loin de l'égaler en perfidie et en cruauté. Toussaint Louverture a donné plus tard le spectacle du même pouvoir sur les nègres fanatisés. Ce chef, issu, dit-on, d'une race royale africaine, avait reçu comme Biassou quelque instruction grossière, à laquelle il ajoutait du génie. Il s'était dressé une façon de trône républicain à Saint-Domingue, dans le même temps où Bonaparte se fondait en France une monarchie sur la victoire. Toussaint admirait naïvement le premier consul. Mais le premier consul, ne voyant dans Toussaint qu'un parodiste gênant de sa fortune, repoussa toujours dédaigneusement toute correspondance avec l'esclave affranchi qui osait lui écrire. Au premier des Blancs, le premier des Noirs.